Vous écoutez RITM, le réseau indépendant de transmission magique. Bienvenue sur les ondes magiques de la rythme. Pour ce sixième épisode, vous retrouverez vos chroniqueurs de toujours, Alice, Purple, Pruno et moi-même, Elena, ainsi que vos rubriques habituelles. Le courrier des lecteurs. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé du courrier. Aujourd'hui, on s'intéresse à un email de Fléa qui nous dit: salut à vous, je suis Fléa et j'ai un avis sur trois personnages, Fenrir, Lupin et Bill. Fenrir est le loup-garou à l'origine du mal de Lupin et de Bill. C'est le loup-garou alpha. Or, dans la légende de loup-garou, on nous dit que si le loup-garou alpha meurt, les loups-garous bêta sont délivrés s'ils ne se sont pas souillés en buvant du sang humain. De plus, le loup-garou alpha ne peut blesser un loup-garou bêta sans subir les mêmes dommages. Conclusion, Lupin ou Bill va tuer Fenrir, et comme ni l'un ni l'autre ne semble avoir bu de sang humain, ils seront délivrés. Ou alors, Greyback tue Bill ou Lupin et meurt car il a tué un de ses fils. Bonne continuation. Merci Fléa pour ce mail. Alors, j'étais pas au courant, mais apparemment c'est effectivement récurrent dans les légendes de loup-garou. Le fait que, donc, d'une part, Fenrir ne pourrait pas faire de mal à Lupin ni Bill, parce que si cela faisait du mal, ce mal se retournerait contre lui-même. D'autre part, si jamais Fenrir venait à mourir, que ce soit de la main de Lupin ou de Bill, ou de quelqu'un d'autre, Lupin et Bill seraient automatiquement délivrés du maléfice, parce qu'eux-mêmes n'ont jamais transformé quelqu'un d'autre en loup-garou. Du moins, on n'est jamais pas au courant du fait que Lupin ou Bill ait transformé quelqu'un d'autre en loup-garou. Alors, je vais d'abord rappeler deux choses qu'on sait sur les loups-garous dans le monde de J.K. Rowling, c'est que d'une part, alors que traditionnellement, on peut se transformer en loup-garou à partir du moment où c'est un soir de pleine lune, dans le monde de J.K. Rowling, le monde d'Harry Potter, on se transforme en loup-garou uniquement si c'est un soir de pleine lune et que la lune est découverte. C'est-à-dire qu'à la fin du tome 3, quand la lune est cachée par un nuage, Lupin ne se transforme pas en loup-garou, alors que dans une légende traditionnelle, ça n'aurait pas été le cas, il se serait transformé en loup-garou. Et d'autre part, on entend souvent que les loups-garous ne peuvent être tués que par une balle d'argent. Il y avait donc une théorie comme quoi la main d'argent que Peter Pettigrew reçoit à la fin du tome 4 pour remplacer la main qu'il a coupée permettrait de tuer Remus Lupin. C'est une idée qui est bonne selon J.K. Rowling, mais qui est néanmoins fausse. C'est ce qu'elle a dit sur son site web, que donc cette main d'argent ne serait pas utilisée pour tuer Remus Lupin. Et là, donc, on voit que J.K. Rowling, qui a l'habitude de récupérer beaucoup de choses dans les mythologies, les légendes traditionnelles, ne prend que certains éléments, qu'elle ne récupère pas tout. Ce qui fait qu'à mon avis, s'il y avait cette histoire de loup-garou alpha et bêta, elle ne va pas l'utiliser dans tome 7 pour la première fois. Si elle avait voulu en faire quelque chose, elle nous aurait introduit au concept un peu plus tôt dans les tomes précédents. Et là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce qui fait donc qu'à mon avis, même si on aimerait tous beaucoup que Lupin et Bill soient délivrés, parce qu'en plus, si Bill est libre, avec Fleur, il aura vraiment des enfants magnifiques. Et quant à Lupin, et ben, ce serait la fin de tous ces problèmes dans le monde magique. Mais je pense qu'en fait, J.K. Rowling est un peu trop sadique pour ça. Et qu'au final, elle va pas nous dire « Si, les souffrances, c'est fini, tout peut être annulé. » De même que quelqu'un qui est mort est vraiment mort, à mon avis, devenir loup-garou, c'est le genre de maléfice qu'on ne peut pas annuler définitivement, simplement en tuant le loup-garou qui est à l'origine du mal. Donc c'est une bonne théorie, mais je pense que c'est un peu trop optimiste. N'hésitez pas à nous envoyer des mails ritm@gazette-du-sorcier.com. Vous pouvez nous envoyer soit du texte, soit des fichiers MP3. Vous pouvez également nous laisser un message sur Skype. Notre pseudo, c'est gazette-du-sorcier. Enfin, vous pouvez réagir à tous nos épisodes sur le forum de la Gazette du Sorcier. Il y a donc un forum radio indépendante à transmission magique tout en bas de la page. Actualité. Un casting ouvert à tous est organisé pour trouver les acteurs qui incarneront Lavande Brown et Tom Jeudisor Jeune dans le film Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé. Cette méthode avait déjà été employée pour Luna Lovegood et plus de 15 000 prétendantes s'étaient présentées. Rupert Grint, qui incarne Ron Weasley, participera au choix de Lavande Brown. À la dernière étape de la sélection, quand il ne restera plus que 5 prétendantes, Rupert Grint ira toutes les embrasser pour vérifier que le courant passe bien. Les acteurs et l'équipe ont donné des interviews lors de l'avant-première presse de Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Il y a même des révélations sur le tome 7. Un certain personnage devait absolument être inclus, parce qu'il est trop important pour le tome 7. Nous évitons les révélations sur la rite, mais vous pouvez découvrir ce personnage en lisant la Gazette. De même, vous pouvez découvrir 11 clips tirés du film Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Le site de J.K. Rowling a été mis à jour. L'examen de magie élémentaire unifié niveau 3 a eu lieu pendant 3 jours et les résultats sont en ligne. Godric Gryffondor est le sorcier du mois de juillet. Cela laisse supposer qu'en août, l'illustration de Rowena Serdaigle nous montrera un objet lui ayant appartenu. Cet objet en question pourrait bien être l'un des 7 Horcruxes et c'est pour cela que J.K. Rowling ne le fera apparaître qu'après la sortie du tome 7. D'autre part, J.K. Rowling prend part à la recherche de Madeleine McCann, une petite Anglaise de 4 ans enlevée le 4 mai à Praia da Luz, au Portugal. Si vous étiez dans la région à l'époque, vos témoignages et vos photos peuvent aider la police à la retrouver. Faux théories. Bienvenue dans la partie théorie. Alors nous allons parler de la couverture de luxe de Scholastic. Vous savez, celle où Harry, Ron et Hermione sont perchés sur un dragon, avec un joli paysage derrière. Alors à quoi ça vous fait penser ? Donc déjà sur le dragon, on peut commencer par là je pense, puisque c'est ce qui attire le plus l'attention. Il y a 3 théories qui courent là-dessus je pense. Donc il y a celle où, il y a celle où ce serait Norbert, donc le dragon de Hagrid qu'on voit dans le livre 1. Ensuite, il y aurait une théorie comme quoi ce serait un dragon de Nouvelle-Zélande. Opaleu des antipodes, ça s'appelle. Voilà, exactement. Et la troisième théorie, ce serait un vergalois. Alors, les différentes raisons pour ces 3 théories, c'est d'une part que Norbert, on le connaît. D'autre part que le vergalois, il habite pas trop loin de Poudlard. Et enfin que l'opaleu des antipodes, la description qu'on nous donne dans Les animaux fantastiques ressemble à ce qu'on voit sur la couverture. Alors je cite « Sans doute le plus beau dragon qu'on puisse voir, il est couvert d'écailles iridescentes nacrées et ses yeux sans pupilles, étincelants de reflets multicolores, lui donnent un regard opalin qui lui a valu son nom. » Il n'a pas tellement... Donc, à la limite, pour les yeux, je suis d'accord, mais pour les écailles, moi je pense que je mets ça plutôt sur le compte du soleil couchant. Du soleil couchant. Ouais, les reflets du soleil couchant qu'on voit aussi sur Harry, Ron et Hermione, donc sur le dragon, sur les écailles du dragon aussi. Mais même les yeux, il n'a pas, pas des reflets multicolores dans les yeux. Ils sont blancs. Mais si on s'approche beaucoup, oui, on les voit. Ah. Mais t'as oublié de dire, c'est que ce dragon, il est natif de la Nouvelle-Zélande. Alors qu'est-ce que ce dragon ferait avec Ron, Harry et Hermione, qu'on suppose qu'ils sont encore en Angleterre, quoi. Enfin, je veux dire, ils vont pas faire la course autour du monde. Sauf quand même que ce serait une drôle de coïncidence. Ce serait une drôle de coïncidence qu'on ait ce dragon sans pupille. Enfin, je pense que l'illustratrice, elle a pas inventé ça. S'il a pas une pupille, c'est qu'il y a une raison. Donc, quand on compare, genre le vergalois commun, certes, il habite à côté, mais en même temps, il est vert. Ce dragon-là, il est loin d'être vert. Oui, mais ça, c'est le reflet du soleil. Ouais. Pourquoi qu'est-ce que ferait un dragon de Nouvelle-Zélande en Angleterre ? Enfin, bon, déjà, à la base, qu'est-ce que Harry, Ron et Hermione font sur un dragon ? Déjà, c'est la première question. Alors, c'est pour ça que moi, je pencherais plus pour Norbert, en fait. Parce que Norbert, c'est les 3 personnes qu'il a vues en premier avec Hagrid. Donc, c'est pour ça que ça me fait évidemment penser au Vélociraptor dans Jurassic Park. Parce que c'est la première chose qu'il voit. Bah, c'est des reptiles tout ça, donc c'est très comparable. Et donc c'est la première chose qu'ils voient. Donc c'est vrai que peut-être que celui-là pourrait ne pas être aussi agressif que les autres, qu'il pourrait vraiment être copain. Ouais. Alors donc pour information, je cite la description du Norvégien à crête, donc l'espèce de bébé Norvert. C'est donc le Norvégien à crête ressemble au Magyar à pointe, bien qu'au lieu de pointe, il arbore de grosses plaques d'un noir de jais tout au long de l'échine. Ça pourrait jouer ça aussi, parce que sur la queue et sur on voit des pointes. Des pointes, normalement, il n'y a pas sur le Norvégien à crête. Des écailles noires aussi, ouais. Il est bien noir. Mais justement, le Norvégien à crête, lui, n'a pas de pointe normalement. Le Norvégien à crête. Oui, mais c'est pas les grandes pointes. comme, enfin, pour se battre, si, ça, c'est des petites pointes. Non, mais, non, mais le Magariara pointe, c'est vraiment des grandes pointes qu'il a sur la queue. Là, c'est des petites pointues le long de l'échine, juste pour faire joli. Par rapport à ce que tu disais... Il a des épines. Oui, oui, il a des épines, mais c'est pas... Par rapport à ce que tu disais, Purple, le fait que ce soit les trois premières personnes que Norbert ait vues, enfin, je sais pas si ça suffit à le rendre assez docile pour pouvoir... monter dessus, quoi, parce que bon, Charlie par exemple qui s'occupe de dragons depuis des années, il a pas enfin, d'après ce qu'on sait, il a pas un dragon apprivoisé sur lequel il peut monter, etc. etc. quoi. Donc, ah, de toute façon, le fait qu'il les ait vus une fois, a dit clairement que c'était pas possible d'apprivoiser un dragon. Une fois, on lui a posé la question, est-ce que Harry aura un nouvel animal de compagnie? Elle a répondu oui, peut-être. La personne qui pose la question dit, est-ce que ce sera un dragon? Elle a répondu non, c'est impossible d'apprivoiser un dragon. Ouais. Donc ce qui est sûr, c'est que le dragon là, il n'est pas apprivoisé. Ils ont réussi à monter dessus. Mais peut-être qu'ils l'ont enchanté, peut-être qu'ils ont lancé un sort, ou je sais pas. Ouais. Peut-être pour ça qu'il a les pupilles blanches. Comment ils font pour tenir dessus, hein. Enfin, notamment Ron, j'arrive pas à voir où il s'accroche au dragon. Comment il est sur la queue. Il est sur la queue. Il est sur la queue, ouais. Le début d'une grande histoire d'amour. Ou enfin, c'est pas le début, mais enfin, Ron. Enfin, vas-y, rapproche-toi. Il est passé de la petite cuillère à la cuillère à soupe, on va dire. Non, mais s'il est effectivement ensorcelé, ça peut peut-être aussi expliquer pourquoi il aurait les pupilles blanches comme ça, enfin un peu... Ouais, le regard vide. Oui, enfin pourquoi et pas. Et d'ailleurs, le regard vide, c'est le sort de... C'est l'Imperius. L'Imperius. Faire un regard troublé. Ouais. C'est vrai que ça ressemble aux yeux de Crumb dans le film 4. Ils n'ont pas le droit de s'en servir sur les humains, parce que bon, ils vont à Azkaban, mais pourquoi ils n'auraient pas le droit de s'en servir sur les... Est-ce qu'ils ont assez de force pour lancer enfin, un Imperium sur un dragon? Ouais. Oui, mais à 3, ils ont peut-être la force. Peut-être, ouais. Bah, déjà, comme on a pu voir dans le livre 4, souvent les sorts qu'on lance sur un dragon rebondissent. Ouais, à cause de la peau, en écaille. Effet. Donc, pour réussir à toucher le dragon, ça même, je ne parle même pas de lancer un sort assez puissant, ne serait-ce que pour le toucher déjà, il faut vachement bien viser. Mais... Genre, il faut viser, je pense, soit dans les yeux, voilà, soit à l'intérieur de la bouche. Le point faible des dragons, ventre. C'est bien les yeux, donc pourquoi pas. Ouais. Enfin, c'est une autre théorie encore, hein, mais. Pas bon. Et donc, dans ce cas-là, ça pourrait être un vert gallois, qui est un dragon plus ou moins du coin. Sauf qu'il n'est pas vert. Oui, mais ça, c'est à cause du soleil. Sur la queue, en même temps, ça m'étonnerait que Harry, Ron et Hermione aient croisé justement un vergalois et se sont dit tiens, si on lui lançait un Imperium pour aller se promener un petit peu, pour aller chercher un Horcrux, je sais quoi. Ah oui. Donc, alors après, voilà. À mon avis, le dragon, il doit rentrer dans l'histoire vraiment dans le scénario à un moment ou un autre. Il le croise pas par hasard. Donc déjà, on peut se poser la question pourquoi est-ce qu'il y a un dragon dans le tome 7, quoi. Et en plus, enfin pour que ce soit sur la couverture, c'est que c'est un moment vraiment important. Bon, évidemment, si elle parle de monter à d'autres dragons, évidemment, ça va être important. Mais, Oui, parce qu'on se doute qu'il ne sert pas seulement de moyen de transport, parce que ça serait limité, quand même. Oui, autant prendre un sombral. Il ne nous ferait pas une couverture entière pour un moyen de transport. On ne va pas faire une couverture entière pour un sombral. Et encore, le sombral représente autre encore chose. Encore que et tout à côté. Dans le livre 3, on voit bien Ron et Hermione sur l'hippogriffe. Oui, mais ça ne sert pas de moyen de transport, c'est l'évasion. Ouais. Ouais, bah enfin, c'est peut-être juste un moment où ils s'évadent, sauf que là ils ont remplacé l'hippogriffe. Mais l'hippogriffe, on en entend parler pendant tout le livre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est que vrai. Justement, c'est pas seulement on va de un point A à un point B sur un dragon parce qu'on l'a trouvé là. Oui, mais là c'est que la couverture de luxe, la couverture normale, il n'y a pas de dragon dessus. Alors que la couverture du tome 3, c'est vraiment un hippogriffe. Donc il peut aussi avoir un peu moins d'importance que ce qu'avait l'hippogriffe. Oui, d'accord. D'accord. Ah bon. À votre avis, ils sont où? Ils survolent Godric's Hollow. Enfin, moi, le fait est qu'ils sont, ils volent très bas, ce qui, moi, laisse penser qu'ils ne sont pas à proximité de Moldu. Et auquel cas, ça voudrait dire que Daya, c'est forcément Préolard. Ouais, je pense aussi. Ah oui, donc à c'est les montagnes. Ouais. Puisque Préolard est le seul village à n'avoir que des sorciers. Je ne trouve pas qu'ils volent tellement bas non plus. Hein. Enfin, ils sont au-dessus de certains nuages, il y a de la brume. Il n'y a pas de nuages. En tout cas, je pense que là, un Moldu qui regarde vers le haut, il peut les voir quand même. Oui, mais ils sont pas aussi, super bas. Ils voleraient au-dessus des montagnes dans ce cas-là. En même temps, Harry. Ils se mettraient au-dessus de la couche de nuages. Il y a des nuages, ils se mettraient au-dessus sur la ligne d'Adventure. Oui, enfin. Ouais, enfin, voler au-dessus de la couche des nuages, ils vont. En même temps, ils sont en train de chercher des Horcruxes et je crois pas que se faire voir par des Moldus, ce soit le premier de leurs soucis, quoi. Mais là, s'ils sont à Préolard, ils sont en phase d'atterrissage, donc ça pourrait expliquer qu'ils soient si bas, quoi. Aussi. D'accord, parce que l'avant du dragon est plus bas que l'arrière, donc on a l'impression qu'ils sont en train de descendre. Ouais. Si ça se trouve, c'est le ministère de la magie qui a fourni à Harry un moyen de transport sur Il lui donnerait la possibilité d'utiliser des portes au loin. Ça, oui, ça peut être, ça peut être pas mal aussi. De toute manière, ils peuvent tous transplaner. Voilà, pourquoi ils sont sur un... Non, ils peuvent pas encore tous transplaner. Il y en a encore deux qui peuvent pas transplaner. Et ils peuvent pas transplaner partout non plus. Mm-hmm. T'as des endroits où tu peux pas transplaner, enfin, où tu peux aller en même dragon. Temps, c'est pas plus discret d'arriver à d'autres dragons que de transplaner, quoi. Mais en même temps, si vous regardez Ron et Hermione et Harry, ouais, ils ont l'air d'arriver de quelque part où ils sont... où il y a eu bataille, quoi. Enfin, parce que quand on voit les capes et tout, elles sont toutes déchirées et tout. Ils ont l'air... Ils ont peut-être combattu le dragon avant de pouvoir monter aussi. Dessus. Ouais. Mais quand on les regarde, là, moi, j'ai l'impression que Ron et Hermione, ils sont encore dans leurs habits de Poudlard, et pas Harry, s'ils pourraient... Ouais. Enfin... Peut-être que du coup, Ron et Hermione sont allés en cours et pas Harry, et que là en plus, si on est près de Poudlard, on est aussi près de Poudlard, et du coup, peut-être qu'ils sortent de Poudlard où il y a eu un combat. Mais parce qu'ils ont quand même l'air de savoir où ils vont, quoi. Enfin, ils ont pas l'air paniqués, genre on s'est retrouvé sur un dos de dragon, c'est pas comment, et c'est l'horreur, quoi. Mmh. Ils ont vraiment l'air de guider le dragon et de savoir où ils veulent aller, etc. Enfin, Harry surtout, quoi. Oui, surtout Harry, parce que Hermione n'a pas l'air de faire ça. Non, mais bon, Hermione en même temps. Et Ron non plus, il a l'air. Ouais. Ron, il a l'air un peu plus. Ça voudrait dire qu'ils arrivent à Poudlard, qu'ils sont donc en phase d'atterrissage et qu'ils arrivent à Poudlard. Genre, on voit le château, ah, ça y est, on arrive. Bah, en plus, c'est possible parce que ce serait pas loin de Poudlard. Ces grandes collines vertes, ce serait très écossais. Ah oui, complètement, là où est Poudlard, Et ça pourrait être. Là, au fond, ça pourrait tout à fait être le lac. On sait que quand on arrive après au lard, eh ben, on prend un bateau, et après un virage, on arrive sur le lac et on voit le château pour la première fois. Ça correspondrait tout à fait à ça. Alors après, bon, on ne sait pas très bien où est Préolard par rapport à Poudlard, mais ce serait possible que ce soit cette configuration-là. Mais ça serait pas le lac du calamar géant. Si, le lac du calamar géant. Si, ça pourrait être lui. Ouais, mais Poudlard, il devrait être plus vers le soleil, alors. À moins que ça soit un très très grand lac et qu'il aille jusqu'à là-bas. Oui, que là, ce soit juste l'extrémité ouest du lac et que on voit plus derrière. Ce qui serait donc caché, parce qu'on sait que c'est caché, qu'il y a une colline qui cache Poudlard depuis Préolard. Juste à côté, il y a des cultures. Des cultures, ça fait pas très Préolard. Hein. Pourquoi pas Moi, je vois mal des sorciers agriculteurs. Pourquoi pas Molly Weasley, elle a un potager. Oui, mais c'est peut-être... Non, mais de grands champs comme ça, je trouve que ça fait pas très sorcier quand même. Bah, disons que ça pourrait être, par exemple, des champs qui seraient cultivés par les elfes de maison pour apporter à manger à Poudlard. D'accord. Ouais. Je sais pas. Enfin, faut bien qu'ils mangent les sorciers d'une façon ou d'une autre. Ouais, j'aimais bien Godric's Hollow, c'était symbolique. Mais Godric's Hollow, on n'a pas du tout d'indication, on ne sait pas à quoi ça doit ressembler, donc c'est pas évident de... C'est rien sur rien pour Godric's Hollow. Ouais, moi, c'est à ça... la campagne ou dans les montagnes. J'ai l'impression que c'est plutôt en ville, quoi, que dans les montagnes, comme ça. Je crois que c'est un village. Oui, enfin, un village, quoi, mais plutôt dans le style... Enfin, c'est plat, quoi, et puis c'est pas dans les montagnes écossaises ou... Et alors la couleur, on dirait que c'est l'aube ou le crépuscule, alors là c'est un petit peu au choix. Le crépuscule, sur la description de Scholastic, ils disent que c'est le crépuscule. D'accord, ok, donc ça c'est réglé. Ouais. Et puis je vois pas pourquoi Harry, Ron et Hermione auraient passé toute la nuit réveillés, enfin c'est plus logique que les choses se passent le soir plutôt qu'au petit matin, parce que sinon ils ont fait une nuit blanche. Oui, parce qu'ils pourraient expliquer... Bah, oui, justement, ils ont combattu toute la nuit. Ils pourraient expliquer l'état de leur robe. Ils ont combattu toute la nuit. Bah oui, voilà. Voilà. Et comme ça, ils sont frais et dispo à 8h du matin pour retourner à Poudlard. Voilà, pour aller en cours. Voilà. Bah oui, ils se sont enfuis du combat. Pour retourner en cours. Ils sont partis du combat qu'ils ont eu là pendant la nuit, parce qu'on sait que les combats se passent toujours la nuit. Et le ministère leur a fourni un dragon pour qu'ils puissent retourner en cours à l'heure, le matin. Parce que la brume, ça fait plutôt matinal. Mais bon, après, c'est que la brume matinale, c'est le soir. Oui, moi, ça me fait plutôt penser au matin. Mais maintenant, si c'est. Voilà, apparemment, c'est défini, c'est le soir. Mais. En même temps, c'est l'Écosse, hein, il fait moche. Enfin, c'est joli quand même. Hein. D'accord. Ah, c'est joli, mais d'une façon générale, le temps n'est rarement au soleil radieux en Écosse. Donc, Sinon, un petit détail, autour du cou de Harry, on retrouve la bourse, le médaillon, enfin... Ah oui. Le truc de la couverture américaine, toujours, mais la couverture du tome 7, où on voit Harry et Voldemort. Ah oui. Et il porte a priori la même cape, non? Ouais, le même enfin, truc. Enfin, c'est la même jaune, couleur que tu portes sur la. Et on dirait pas qu'il a un espèce de. Marron. Enfin. C'est marron plutôt. Là, c'est plutôt jaune. On dirait pas qu'il a un espèce de sparadrap sur la joue ou un truc comme ça. Non, ça, je pense que c'est un reflet. Vraiment? Je crois que c'est un reflet, ça. C'est vraiment très accentué, je trouve. Hein. Ouais, mais. Enfin, le reflet serait de l'autre côté. Si on regarde d'où vient la lumière, le reflet serait. Mais parce que la lumière se reflète sur l'air. En même temps, la lumière, enfin, l'ombre, par exemple, me paraît un peu bizarre. T'as cette grande colline et une ombre toute petite sur la rivière. Donc je pense pas vraiment que les effets de lumière aient été... Oui, alors que le soleil est très bas, donc l'ombre... La préoccupation principale de l'illustratrice, on va dire. Par contre, le médaillon, donc, ce qu'on peut espérer, c'est que, en fait, bon, si, par hasard, ça serait le médaillon de Serpentard, mais c'est peut-être juste une petite bourse, hein, mais si c'était le médaillon, on pourrait espérer alors qu'il est plutôt vers, bon, disons, dans la première moitié du livre, qui fait qu'il se balade avec pour le reste de ses aventures. Mm-hmm. Non, mais ouais, comme ça, on se dit, ouais, il va le trouver assez vite que... et ouais. tout, c'est bien. Bah, c'est vrai que ce sera sans doute le plus facile à retrouver, le médaillon de Serpentard. Bah, faut espérer. Donc, par rapport à d'autres où il a aucune info. Parce que, voilà, il y en a un, il sait pas du tout ce que c'est, il va pas non plus juste comme ça tomber sur Nagini par hasard. enfin, donc. Enfin, je lui souhaite pas, dès le début en tout cas. Et la tasse de pouf souffle, on a aucune idée d'où elle est, donc. Voilà. Ok. Mais pour revenir sur les robes déchirées de Ron et Hermione, j'ai l'impression que le dragon lui-même, ses ailes sont déchirées. Il y a des. Alors, ça pourrait être comme ça que sont les ailes du dragon, mais comme c'est pas du tout symétrique, les deux ailes sont déchirées en endroits différents. C'est comme si elles avaient été abîmées, comme si le dragon avait lui aussi pris part au combat et s'était pris plein la gueule lui aussi. Ouais, pourquoi pas. Enfin. Enfin, justement, peut-être que les dragons ont tendance à se battre entre eux de toute manière. Ou peut-être qu'en fait, Ron et Hermione se sont battus contre le dragon et que c'est pour ça que les deux sont mal en point. Mais en tout cas, j'ai l'impression que le dragon a pris part au combat aussi. Si c'est bébé Norbert, ça pourrait s'expliquer parce qu'ils sont d'une agressivité exceptionnelle envers ses congénères, donc ça pourrait s'expliquer qu'ils soient battus avec ses congénères. Si ouais, c'est un Vergalois ou un celui de Nouvelle-Zélande là, l'antipode. Opaleuil des antipodes. Opaleuil des antipodes, ouais. Eux, ils sont plutôt réputés donc doux, enfin pas très agressifs pacifique. Comparé aux autres, donc là ça pourrait. Ouais, ça pourrait ouais. être durant une bataille ou durant, je sais pas, ou alors c'est naturel pour donner un effet. Ou alors, oui, ce serait battu contre des dragons qui auraient été, sous le contrôle des Mangemorts ou de Voldemort, tout ça. Ouais, mais alors là, si on... Alors pourquoi ce serait battu contre des dragons ? Tu peux pas contrôler un dragon. Non, non, oui, mais... Non, pas l'apprivoiser, mais le contrôler. Par d'autres moyens, de la magie noire. Genre Imperius. Genre quelque chose, voilà. Ouais, mais si tu rajoutes là-dedans que les dragons sont passés du côté de Voldemort et qu'il y a une baston entre dragons en plus, quoi. Enfin, j'ai l'impression que là, enfin, il y a trop de choses, quoi. Ça va pas être possible en 700 pages, donc. Il peut y avoir les géants, les détraqueurs, ouais, ça peut être dense, hein. Plein de choses, c'est possible. Là. Si ça se trouve, c'est tout simple, tout logique, et on est en train de monter toute une montagne de théories. De toute manière, avant cette image-là, on pensait pas que des dragons seraient impliqués. Or, exactement. Ils vont l'être. Donc, tout est possible, en fait. Mm-hmm. Ouais. Bah, je trouve qu'on a des couvertures assez surprenantes quand même. Hein. Entre un dragon et de la magie sans baguette, c'est assez surprenant. C'est ouais. agréable. Il reste plus que quelques jours, on aura bientôt toute la vérité. Voilà. Voilà. Donc c'était la couverture de Lux de Scholastic. The Deathly News, les nouvelles de la mort qui tue. Révélation sur le chemin de traverse. Ollivander, le célèbre fabricant de baguettes du chemin de traverse, aurait été enlevé par les Yakuza. En effet, la mafia japonaise aurait demandé à Monsieur Ollivander de superviser toute la production de baguettes pour leur chaîne de restaurants. Hermione est un loup-garou. En effet, appelant son congénère en 1994, elle dévoila sa véritable identité. La brillante élève de Poudlard préparait elle-même sa potion Tulou depuis des années et se cachait de ses camarades de classe pour ne pas risquer de se faire renvoyer du collège. Nouveau rendez-vous à Pré-Hollard. Depuis la chute de vous savez qui, le maître des potions Severus Rogue s'est reconverti dans la préparation de cocktails. En effet, il a récemment ouvert son bar à cocktails, le Ver des Ténèbres, en face des Trois Balais. Indiscrétion People. le respectable Lucius Malfoy a été aperçu hier soir dans la boîte de nuit sorcière Tarantallegra. Il se donnait en spectacle sur un podium. La direction de l'établissement a dû le faire sortir par la force, car les femmes présentes ce soir-là devenaient incontrôlables. Slughorn est un animagus. L'ancien professeur de potions de Poudlard est bien un animagus non déclaré. Quand il se sent menacé ou qu'il est près des côtes écossaises, il se transforme en morse, ses grandes défenses lui servant à gratter son énorme bide. Suite de l'affaire Kleenex. Le groupe des utilisateurs intensifs de mouchoirs a eu gain de cause. Cho Chang n'est désormais plus l'égérie de la marque Kleenex. Mais pas d'inquiétude à avoir. On dit qu'elle serait déjà en pourparlers avec une grande marque de mascara waterproof. On se retrouve bientôt pour encore plus de scoops. Demain, Ginny va mourir. Certains mages noirs et de nouveau parmi nous. Il y a 14 ans, Voldemort avait une multitude de gens sous ses ordres. La preuve que le Seigneur des Ténèbres est de retour est irréfutable. Il n'est pas de retour. C'est un mensonge. Le Seigneur des Ténèbres approche. Harry. Si Voldemort constitue une armée, je veux me battre. On forme une sorte d'armée de sorciers. Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Le documentaire moldu de la 5e biographie de la saga Harry Potter. Dans les salles obscures, le 11 juillet 2007. Les documentaires moldus. Alors, les documentaires moldus, donc pour cet épisode, Harry Potter et l'Ordre du Phénix approchent à grands pas, on va essayer de revivre donc les 4 films précédents. Et donc aujourd'hui, on va parler donc du film 1 et du film 2, donc Harry Potter à l'école des sorciers et Harry Potter et la chambre des secrets, donc les scènes que nous avons détestées et les scènes que nous avons aimées. Donc Purple, si tu veux lancer la discussion avec les scènes que tu as aimées. Ouais, alors la scène que j'ai le plus aimée dans le premier, donc moi ça serait une toute petite scène, tout simplement quand... Hagrid arrive dans le phare, là où Harry est avec les Dursley, et lui fait « Tu es un sorcier, Harry ?» Alors là, tu as le cœur qui bat et tu fais « Oh mon Dieu, c'est un sorcier !» Pour précision, j'avais pas lu les livres à l'époque. Et c'était mon premier contact et là, oh, « C'est un sorcier !» Ah, mais tu découvres comme ça. Et j'ai trouvé ça trop c'est beau, mignon. En fait. Je l'ai découvert comme ça et je l'ai appris en même temps qu'Harry. Oh. Donc je trouve ça super émouvant, en fait. C'est juste cette petite scène-là. Jolies histoires. Voilà. Alors, Aelys, j'aime bien la scène dont t'as parlé, là, Purple, mais en fait, celle que j'aime beaucoup, c'est le premier cours de Rogue, parce que c'est la première fois que j'ai vu Alan Rickman en Rogue, et je pense que je m'en remettrai jamais. Donc, Je te rassure, j'ai hésité aussi. Voilà. Cette scène-là, hein. Donc j'adorais, parce que la première fois que j'ai entendu sa voix de Rogue, et enfin voilà, je suis tombée. Complètement tombé sous Monsieur charme de Potter, voilà notre nouvelle célébrité. Voilà. Moi, j'adore la façon dont Hermione se lève et lève la main comme ça et la tête qu'elle fait est géniale. Oui cas. Aussi. Avec oui. L'épaule à moitié démise. Missy, je sais tout là de suite. Ah oui, oui. C'est carrément grand ça. Grand moment. Donc voilà. Pruneau. Moi, ma scène préférée, c'est quand ils sortent de la cérémonie de répartition. Ils découvrent le grand escalier. T'as Percy qui emmène les Griffons d'or dans la salle commune. Et donc, d'une part, j'adore Percy dans ce moment-là, qui fait vraiment autoritaire. Il passe leur temps à dire allez, allez, dépêchez-vous, venez, suivez-moi, dépêchez-vous. Donc, il fait le petit chefaillon qui veut imposer son pouvoir. Et d'autre part, t'as cette vue gigantesque sur tous les escaliers qui bougent, avec en plus les portraits qui font leurs commentaires en même temps, genre bienvenue à Poudlard. Ce qui en soi est nul comme phrase, mais par un tableau, ça claque. Et puis voilà, et non, c'est surtout cette immense vue de tous les escaliers qui montent en haut. Je trouvais ça génial. Ça, c'est vrai que c'est la magie de Poudlard, en fait. Le début de la magie de Poudlard. Après, le plafond magique, c'est vraiment mais ce qu'on voit. C'est je crois que tout le début, et puis quand ils arrivent en bateau aussi, tout le début est vraiment super. Bah, justement, voilà. Elena moi, ce que j'aime, c'est surtout l'ouverture au monde magique. quand Hagrid déplace les briques au chaudron baveur, oui. Et que là on rentre dans le chemin de traverse, voilà. Et là on a vraiment les boutiques, les gens habillés en sorcier, et je trouve vraiment, là c'est l'immersion dans le monde sorcier, après la découverte que Harry est sorcier, et là je trouve vraiment cette scène magnifique, quoi. C'est vraiment là on rentre dans le... monde. Et là, d'accord, j'ai hésité avec celle-là aussi, comme celle préférée. Moi, celle qui me faisait hésiter aussi, c'était pareil, c'était sur le chemin de traverse, c'est dans la boutique d'Ollivander. Celle-là, elle était. J'aime beaucoup. Avec la baguette. Ouais. Le choix de la baguette. Ouais. C'est tellement important. J'ai adoré. J'aime beaucoup aussi la tête de Gringotts, qui est genre cette banque majestueuse, et en même temps, c'est tordu. Tu sens que ça tient à peine debout. Ça fait vraiment. Ça fait bâtiment sorcier qui tient debout grâce à la magie. Ouais. C'est bancal, ça tient par magie, tu te dis, ça a l'air pas solide tout ça. Hein. Mm-hmm. Et dans les galeries aussi, c'est un peu avec le wagonnet. Le petit wagonnet. Ouais, et sinon, une mention spéciale à Olivier Dubois, en premier. Parce que c'est quand même un grand moment quand on... Non, parce qu'on découvre le Quidditch, bien évidemment. C'est pas que pour Olivier Dubois, voyons. Bien sûr. Hein. Nous voyons seulement Olivier Dubois avec son pull à col roulé. Je pense que c'est un grand moment du film. Hein. Du cinéma, voilà, carrément. Donc... Parce qu'on découvre le Quidditch. Donc voilà pour le film 1. Maintenant, on va le démolir. Donc qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans le livre 1 Moi, c'est sur la fin du livre, donc à la limite, je conclurai. Du film, tu veux dire. C'est à la fin du film. Moi aussi. Oh mince. Alice, Elena. Moi, c'est vers la fin. En fait, c'est pas vraiment une scène, c'est juste un plan. C'est quand Harry, Ron et Hermione se dirigent vers la cabane de Hagrid pour demander où est Dumbledore. Et je crois que Dumbledore est parti à ce moment-là, donc c'est vers la fin aussi. Et derrière, je trouve l'intégration mais vachement mauvaise. L'effet spéciaux est vraiment nul. Si vous voyez l'image, l'arrière-plan est carrément moche, quoi. Il est flou, il est mal intégré. Ils ont mal intégré le fond derrière les personnages. Ils ont dû faire ça sur écran bleu. Et je me souviens, la première fois que j'ai vu ce film, mais ça m'a tapé dans l'œil directement. Et cette scène, mais je la retiens, mais je la trouve absolument horrible, quoi. D'accord. Le décor est absolument horrible. Il est vomitif derrière, voilà. C'est vomitif, c'est tout ce que j'ai à dire. Sinon, le reste est vraiment bien. Ok. Bon, j'y vais, c'est pas grave. Donc moi, en fait, c'est pas une scène proprement dit. C'est un tic de Harry à la fin, dans la scène de l'infirmerie, quand il discute avec Dumbledore. Tu regardes Harry, il arrête pas de cligner des yeux. Et ça m'horripile, mais il garde les ouverts, tes yeux, ou ferme-les à la rigueur, mais... Oh là là, non, mais je crois qu'il a vraiment eu des... Le réalisateur lui a dit après, il va falloir que tu te calmes, chérie, sur tes yeux, parce que sinon ça va pas être possible. Il cligne. Il avait peut-être une poussière dans l'œil. Ouais, peut-être, mais c'est très chiant. Hein. On a l'impression qu'il n'écoute pas ce que Dumbledore lui dit. Enfin bon, moi, sur le moment, ça m'avait énervé, quoi. Et c'est pour ça que j'arrive même pas à me concentrer sur la scène à cause de ça, c'est incroyable. Ah, mais c'est peut-être parce que Daniel Radcliffe essaye de pleurer et il n'y arrive pas. Non, je sais pas. Il avait qu'à lui mettre des lentilles, il aurait pleuré et puis il aurait eu les yeux verts au moins. Bref. Ouais, c'est clair. Non, parce que dans le livre, Harry se met à pleurer et du coup, Dumbledore s'intéresse beaucoup à un petit oiseau au bord de la fenêtre. C'est possible qu'il essaie de faire ça, mais qu'il n'ait pas réussi. Il n'arrive pas. Du coup, ils ont viré l'histoire de l'oiseau et tout. Ouais. Enfin voilà, c'était ça. Bon, alors moi, ce que j'aime pas dans le premier film, c'est quand il tombe dans le filet du diable pendant les épreuves pour arriver jusqu'au miroir du Rizet. En fait, l'histoire de il faut vous détendre pour en sortir de Hermione. Enfin, ça m'a énervé parce que c'est vraiment carrément pas ça, quoi. Et donc j'aime pas. Et puis j'aime pas comment c'est joué. Ils sont là en train de se débattre. J'aime pas du tout. C'est le jeu et puis. Puis la plante, elle fait un peu plastique. Ouais, c'est pas bien. Enfin, j'aime pas. Quoi. Elle fait plastique la plante. Ouais. Moi, je l'ai pas trouvée très plante non plus. Non, et puis dans le livre, c'est tellement bien quand elle dit il faut que j'allume un feu. Et puis il dit mince, mais comment, il y a pas de bois. Mais t'es une sorcière, Hermione. Et voilà, et ça, c'est un truc que j'aurais vraiment voulu voir dans le film. Et... Ah oui, c'est vraiment et bien. Et donc, du coup, j'étais déçue par cette scène. Bruno. Moi aussi, c'est à la fin dans les épreuves. Ce que j'aime pas, moi, c'est la partie d'échecs. Oh non, elle est vachement bien. La partie d'échecs, j'aime pas comment Ron et Hermione jouent. Entre Ron qui fait pas moi, pas Hermione, toi. C'est pourri un peu. Au moment où Ron va se sacrifier, donc genre il parle avec Harry, il discute pendant 3 quarts d'heure, et au bout d'un moment, t'as Hermione qui fait une petite voix. Mais qu'est-ce qui se passe? Et donc du coup, ils disent Ron va se sacrifier. Elle fait non, Ron, tu ne peux pas. Alors ça, l'un à la suite de l'autre, c'est pas possible. c'était beau. D'accord. Ah, c'était grandiose. Non, c'est vrai que c'est un peu pourri quand même. Ok. Ok. D'accord. On passe au film 2, donc Harry Potter et la Chambre des Secrets. Oui. Ouais. Donc, qu'avez-vous aimé dans ce film? Surtout, bah, vous ne pas. Non. Que personne ne se bouscule, un moment... qui veut commencer. Non, moi, j'ai un moment qui m'a quand même... Enfin, au moment des araignées, donc bon, ils sont là, ils voient Aragog, ils se font attaquer, il y a la voiture qui arrive et tout, c'est très mignon. Et puis donc, ils s'enfuient en voiture, et au moment où tu penses que tout est fini, t'as une araignée supplémentaire qui arrive sur la voiture, et j'ai vu ce film peut-être 15 fois, et il y a au moins 12 fois où j'ai sursauté en voyant cette araignée. À chaque fois, je me dis, ah oui, ça y est, c'est fini, et non, à chaque fois, je me fais avoir. Et en plus, enfin, leurs araignées, elles sont quand même pas toutes petites, elles font assez peur, hein. Je les trouve bien, les araignées. Et surtout, donc, celle-là en particulier, je suis. Ok. Pourtant, j'ai rien contre les araignées. Bruno qui regarde le film avec son âme d'enfant de 10 ans. C'est un film d'horreur, Harry Potter. Oh, ça fait peur, disons. Donc, je vais pas dire que j'ai aimé ce moment, mais je le trouve réussi. Ok. D'accord. Ah oui, oui, c'est bien. D'accord. Purple? Ouais, j'y vais. Bah, en fait, ça a été très dur de trouver une scène, mais. Quand même, c'est tout simplement au tout début quand ils sont sur le chemin de traverse. Alors non, ce n'est pas Gilderoy Lockhart, mais Gilderoy Lockhart, c'est Lucius Malfoy. Parce que désolé, mais Lucius Malfoy qui arrive, il est oui, c'est vrai, j'avais oublié cette scène. Il a la classe, il a ses longs cheveux blancs et tout. C'est la première fois qu'on le voit et je le trouve. Et là, on fait. Eh ben ouais, c'est comme ça que je l'avais imaginé, lui dit donc. Ouais. Non, moi ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a une baston dans le livre à ce moment-là, je crois. Oui, et ouais, c'est dommage qu'il ne la reproduise pas. Je trouve que Lucius Malfoy, avec la canne et tout. Bon, maintenant on a l'habitude, on le connaît, Lucius, mais je trouve que quand il arrive dans le 2, c'est vrai, c'est vrai, il a la classe. Il est classe. Voilà. Okay. Enfin, c'est Lucius, quoi. Alice, moi j'ai bien aimé, mais c'est toujours par rapport au livre en fait, plutôt. C'est quand McGonagall explique à la classe la chambre des secrets, ce que c'est, etc. Et je trouve que c'était assez bien expliqué. Ouais, sauf que c'est Beans dans les livres. Oui, oui, non, mais ouais, ça, on est bon. D'accord, mais bon. Mais bon. Je trouvais que c'était assez bien expliqué, que c'était assez complet, et j'aimais bien la façon dont... Enfin, j'aimais beaucoup... Déjà, j'aime beaucoup Maggie Smith, qui joue Minerva McGonagall, et ouais. Je trouve que c'est vraiment une scène sympa, et tu l'écoutes, quoi. Tu t'ennuies pas. Donc, voilà. Non, non, c'est vrai. Puis en plus, l'histoire est intéressante, oui. Et c'est vrai qu'on les voit bien captivés oui, par l'histoire. Et puis c'est rare qu'on ait vraiment des bouts de livres... Enfin, des détails dans les films. Et là, ouais. C'est bien expliqué. Qui nous explique bien l'histoire. Oui, oui, c'est vrai. Non, elle est bien, cette scène-là. Elana ? Ok, bah moi, honnêtement, donc le 2, c'est le pire des films. Enfin, c'est celui que je déteste le plus. Ça, je crois donc, qu'on est c'était difficile donc, de choisir. Même pas celui que tu aimes le moins, celui que tu détestes le plus. Ouais. Non, ouais, je l'ai vraiment pas aimé et donc ça a été difficile de choisir, mais je crois que celle que j'aime le plus, c'est la scène du terrier. Mmh, oui, où, c'est vrai. Où on rentre dans la maison des Weasley et qu'on découvre la maison pleine de magie et tout. Même Harry, quoi, je crois, dans les livres, il reste quand même assez halluciné qu'il est là. Waouh, c'est trop bien, quoi. Et l'horloge. Et tout. Celle qui se fait toute seule et tout. L'horloge des Weasley et tout ça, ouais, c'est chouette. Ouais. Ça c'est très magique, mais ça ressemble un petit peu justement au chemin de traverse, c'est-à-dire on rentre dans le monde magique. Harry qui quitte les Dursley à chaque fois et qui rentre dans le monde exactement. Magique, c'est vraiment sympa ça. Ouais. Mm-hmm. Bon, maintenant on va le descendre. Allez, on se fait plaisir. Il y a beaucoup à dire. Faites-vous plaisir. Bruno, tu veux commencer? Ah, donc c'est à moi de commencer, pardon. Oui, alors. Le truc, c'est pas une scène en particulier, mais pendant le film entier, à chaque fois que Ron apparaît à l'écran, j'ai envie de trembler. Parce que il a une seule mimique, qui est un truc où il a genre un peu peur. Et. Enfin bon, à la limite, une fois, je dis, oh oui, d'accord, ça va comme tête, mais 70 fois, non, ça va quoi. Tout le temps. Que ce soit, voilà, que ce soit un truc dont il a vaguement peur ou que ce soit parce qu'il a 200 énormes araignées autour de lui, à chaque fois, c'est la même figure et elle est pas si bien que ça. Donc ce serait bien que de temps en temps il change un peu. D'ailleurs depuis il a changé. Donc, Oui justement, d'où la direction d'acteur. Voilà, ils ont changé un petit peu. Et je te rassure, moi je pensais à cette scène là en fait, en particulier c'était quand ils atterrissent avec la voiture volante. Il fait oh, ah, cette oui, même oui, tête de peur là, très ah, mais de toute façon si Ron est dans ta scène, il fait forcément cette tête là. Voilà, il fait forcément cette tête là. Et au final j'en ai choisi une autre. Donc c'est quasiment toutes les scènes avec Mimi Géniard. Enfin elle est très bien faite Mimi, mais Elle m'agace. Elle a une petite voix haut perchée, elle chouine, elle pleure. Elle est. Ils sont là en train de faire leur polynectar, c'est vachement. C'est super intéressant et tout. Et là. Et machin. Et puis elle est laide. Et puis. Oh, comme dans les livres. Comme dans les livres. Je crois que. Ouais, c'est comme dans les livres. Alors elle est peut-être très bien réussie, mais moi, elle m'agace à un point quand je regarde ces trucs. Je crois que c'est fait pour. Hein. Quand je regarde le film, elle m'agace. Moi aussi, il y a quelqu'un d'autre qui m'agace dans la même lignée. C'est je déteste donc Gilderoy Lockhart dans le film, quoi, dans le livre aussi. Il me saoulait, c'est affreux. Mais je crois que moi je l'aime bien. Moi il m'a fait. Ouais, j'aime, mais il me saoule tellement que voilà quoi. J'arrive plus à le voir le film à cause de ça. Non, mais je crois que la pire scène que je déteste le plus, c'est la scène avec le basilic. Oui, où Harry il se bat avec, je trouve vraiment que ça manque de punch. Je sais pas, il est quand même en train de se battre avec le basilic. Oui, quand il est couché, et je sais pas, il est là en train de donner des coups d'épée un peu. Je trouve ça vraiment mou, quoi. Mais tu sais pourquoi ? Vas-y, donne-y du cœur, des tripes, quoi. C'est pas Luke Skywalker qui combat, c'est tout. Hein. C'est d'accord. C'est pas un Jedi. Et donc, il a beaucoup de mal à se battre à l'épée. Mais quand même, quoi, j'aurais voulu un combat plus... Voilà quoi, là il est sur sa statue à moitié en train de glisser. Ah, un petit coup par là. Ouais, on a l'impression qu'il l'a presque par chance quoi. C'est un peu ça de toute manière, mais ouais, c'est pas un grand combat. C'est pas super. À partir du moment avec l'épée, c'est pas un gros. Ouais, je sais pas, je trouve vraiment que ça manque de punch quoi. Il donne pas assez fort sur l'épée. On dirait qu'il veut juste l'assommer quoi. C'est pas avec une épée. Assommer un basilic avec une épée. Bref. Bah, voilà. Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est. Toujours Aragog. Je ne peux pas, quoi, c'est pas possible. Alors, on disait que la plante, le filet du diable, on aurait dit du plastique, mais alors Aragog, je sais pas. Quand je regardais les commentaires des réalisateurs et tout ça, ils disaient qu'ils avaient fait un truc super bien pour Aragog. Moi, je la trouve, mais ridicule, genre vraiment l'araignée en plastique qu'on achète dans les magasins de force et attrape, quoi. Mais les animatroniques, faut qu'ils arrêtent. Elle est vraiment mais super mal faite quoi. On n'y croit pas une seconde. Et donc toute la scène m'énerve un peu parce que bon, la seule chose qui est un peu rigolote, c'est justement la tête de Ron quand il voit les araignées descendre. Il tire sur la manche de Harry. Harry, regarde. Et ça c'était sympa. Mais sinon Aragog qui parle et qui raconte son truc, non. Alors là je peux pas quoi. Voilà. Mais je crois que ouais, c'est dans le 1 et le 2 seulement qu'ils ont utilisé les animatroniques parce qu'après dans le 3 et le 4, c'est tout fait à l'image de synthèse, il me semble. Oui. Et c'est vraiment là où on voit la différence. Enfin, les créatures sont vraiment pas mal, quoi. Bah, c'est pour ça, Fume Sec, enfin... c'est à la fin du 2. Fume Sec sur son perchoir, c'est pas terrible, hein. Pareil, on avait entendu des commentaires. Oh oui, il est super et tout. Il est là, quoi. Une poule, désolé. Mais voilà. Mais c'est surtout une poule plastique. Elle est là, ouais, moi et je le trouve un peu raide sur son perchoir, pas très vivant. Ah, il est tout raide. Enfin, comme le basilic aussi, un peu raide quoi, un peu. Oh, le basilic, je l'ai trouvé pas mal quand même. Hein. Voilà, bon. Donc c'était. C'était le film 2 donc. Et on va s'arrêter là. Et donc au prochain épisode, on vous proposera donc le film 3 et le film 4. Violette et Rose Marathon. Les chicaneuses. À la tienne. Alors, Mafio, prends un verre et raconte-moi comment ça s'est passé. Avec Mr. Spark? Bah oui, tu m'as fait promis de t'occuper de lui pour plus qu'il vienne faire la fête avec tous ses ivrognes d'amis. Eh bien, par la barbe de Merlin, il a eu la peur de sa vie. Non seulement je lui ai parlé, mais j'ai mis à contribution mon ami du tableau Amour et Monstruosité, qui se trouve dans l'allée des Embrumes. Quoi ? T'as demandé à ton ami Freddy le monstre de l'intimiter ? Et t'y es parlé de main morte, dis donc. Oh, bah faut ce qu'il faut, hein. Et d'ailleurs, je t'ai jamais demandé comment tu fais pour avoir tes amis là-bas. Ne me dis pas que t'as un portrait dans l'allée des Embrumes, quand même. Bah, c'est pas de ma faute si j'ai eu des amis parmi les gens douteux. En plus, ça peut être bien utile. À ton avis, pourquoi j'ai toujours mon portrait à Poudlard ? Ce n'est pas seulement parce que je papote avec toi et la grosse dame. Ah, ben en tout cas, je vais pas m'en plaindre, hein, parce que ça a marché. Mr. Spark, il organise plus ses fêtes, et il a même pas touché à mon nitromel. Il vient toujours de temps en temps, bien sûr, mais bon, pas autant qu'avant. Du coup, ça va, j'ai pas besoin d'avertir Mrs. Spark, ça lui aurait fait trop de peine. Au moins, c'est ça de fait. Et concernant tes amis, je fais 3 têtes de plus que tout le monde. Ah, ces 2 Simon trolls sont encore revenus pour soi-disant assurer la sécurité de Fudge. Mais c'est bon, le plan B est bientôt en place. C'est bon, tu as réussi à trouver un bézoard, parce que tu risques d'en avoir besoin. Hein. Oh oui, c'est bon, je l'ai dans ma poche, je le quitte jamais. Et pour Hagrid, c'est bon, il a réussi à se les procurer. Presque, il les aura ce soir. Après ça, il ne nous reste plus rien à avoir. On sera fin prête. Je t'avoue que j'ai quand même hâte que cette histoire se termine. Ah, et moi, Tonkin, devine leur dernière lubie. Comment t'étais sushi? Tu imagines la quantité qu'il faut pour nourrir ces monstres? Mais voilà, Monsieur Fudge, il décrète qu'il leur faut du poisson cru. Alors la pauvre Rosmerta, elle est obligée de trouver un sorcier expert en sushi qui veut bien venir travailler après au lard. Dire que je suis morte avant que les sushis ne deviennent à la mode. Et après les sushis, il leur faudra quoi? Du tofu? Du foie gras? Des petits fours? Une pièce montée avec deux petits trous en pâte d'amande tout en haut? J'aurais bien aimé goûter les sushis. Les trois balais, c'est un bar, c'est pas un traiteur de luxe. Alors après avoir cassé tout mon mobilier et fait fuir tous mes clients, ils veulent que je leur fasse des petits plats raffinés. Ils veulent ma mort surtout. Tu crois que ça serait bon des sushis au calamar géant? Non, non, moi j'en peux plus, hein, ça peut plus durer comme ça. Oh là là, là là, ma Rosie, ne t'inquiète pas. Si Hagrid apporte bien ce que je lui ai demandé ce soir, demain tu en seras débarrassée. Oh ben j'espère, hein, parce que sinon je retourne chez ma mère. Et tu les laisserais gagner la partie? Non, ce n'est pas digne de la Rosmerta que je connais. Resserre-moi donc un verre et attendons patiemment Hagrid. Ouais, tiens, et trinquons à la santé de Mr. Spark. Lui au moins, il viendra plus m'empêter. À la tienne, Mr. Spark, puisses-tu ne jamais recroiser la route de Freddy le monstre. Le survie. Où tu passes? Bonjour, c'est Mena, elfe de transcription. Alors, je ne peux pas citer tout le monde, mais en gros, je pense que Ron, Lupin, Voldemort, un membre de la famille Weasley, quelques membres de l'ODP et quelques mange-morts, comme Bellatrix Lestrange et Lucius Malfoy, vont mourir. Par contre, je crois que Harry, Hermione, Ginny, McGonagall, Rogue et Drago Malfoy vont survivre. Bonjour à tous, Big Benner de la retranscription. Alors, je pense que, pour commencer, bon, bah, attention, spoiler, Harry va survivre et Voldemort va mourir. Ensuite, je pense que Ginny va survivre, puisque Harry va survivre. Hermione aussi. Côté méchant, Malfoy et Lucius vont survivre, ainsi que Slughorn. Et enfin, Neville et Luna vont survivre également. Côté mort, Snape va mourir, même si c'est un gentil. Hagrid, ouais, j'espère qu'il va... Enfin, je le vois bien mourir. Surtout, il serait piétiné par Gros pour quelque chose comme ça. Ron, il devrait mourir, enfin, je pense. Parce qu'il faut bien que quelques Wesley meurent. Hein. Arthur, il a failli, bon, voilà. Et j'aimerais bien que Dobby meure et qu'il emmène McLagan avec lui. Et enfin, Bellatrix va mourir parce que... voilà, la revanche de Harry, ou je ne sais trop quoi. Et Ollivander, lui, parce que je le vois bien parti pour mourir. Voilou. Ok, donc bah moi c'est Luna, elle fait de transcription pour la rythme. Moi je vois mourir Arthur, Hermione et Lupin. Par contre je laisse la vie à Harry, Molly et à Ron. Et Ginny, je la vois vivante mais en très mauvaise santé. Voilà. Si vous aussi voulez participer au Survie ou Trépasse, alors envoyez-nous un message sur Skype sur gazette-du-sorcier. Bienvenue dans la rubrique étymologie. On continue la série sur les professeurs de Poudlard. Après le directeur, voici les professeurs de défense contre les forces du mal. Ils sont 6 avec des noms très différents, qui représentent leurs différents caractères. On les étudie par ordre chronologique. Harry, je te présente le professeur Quirrell. Il t'enseignera la défense contre les forces du mal à Poudlard. Oh, enchanté, professeur. Dans le tome 1, c'est Quirinus Quirrell. Le prénom Quirinus n'est jamais donné dans les livres, mais on le retrouve d'une part dans le générique de fin du premier film, et d'autre part sur des cartes de sorciers célèbres disponibles dans le commerce, qui auraient été écrites par J.K. Rowling. Alors, cette rubrique étymologie ne fait jamais plus que des hypothèses, et pour Quirrell, c'est encore plus vrai que d'habitude. Il y a nombre d'origines possibles pour ce mot. Quirrell, ça ressemble à squirrel, un écureuil, soit quabble, une dispute. Avec le prénom en plus, on peut penser à l'adjectif Quibulus, qui veut dire grincheux, qui aime se plaindre, ou peut-être que c'est juste une extension du mot queer, étrange, bizarre, louche, suspect. Pour le prénom Quirinus, en admettant qu'il ait bien été choisi par J.K. Rowling, c'est plus facile. Quirinus était un dieu romain, et c'était la forme déifiée de Romulus qui fonda Rome. Une des sept collines de Rome, le Quirinal, est nommée en son honneur. C'est un lieu très important, surtout pendant les premiers siècles de l'histoire romaine. On le représentait comme un homme barbu, vêtu d'habits religieux ou militaires. Ce prénom pourrait relier Quirrell à deux autres personnages de la série Harry Potter. D'une part, comme forme déifiée de Romulus, il serait lié à Rémus Lupin, puisque Romulus et Rémus étaient frères. Romulus avait fini par tuer Rémus, mais comme Quirrell est déjà mort, il aura du mal à faire du mal à Lupin. Et d'autre part, le symbole de Quirinus est le myrte, une plante à fleurs, dont le nom anglais est myrtle, comme le prénom de Mimi Géniard. Là encore, difficile de voir le lien, mais peut-être que dans les années à Poudlard, il y avait quelque chose entre Quirrell et Mimi Géniard. Mesdames et messieurs, Monsieur Gilderoy Lockhart. Gilderoy Lockhart fait partie des personnages pour lesquels J.K. Rowling a expliqué où elle avait trouvé le nom. Je la cite. Je savais que son nom devait avoir une sonorité impressionnante. Je regardais dans le Dictionary of Phrases and Fables, le dictionnaire des expressions et des fables, c'est une bonne source de noms, et j'ai trouvé Gilderoy, un séduisant bandit de grand chemin écossais, exactement ce que je voulais. Puis j'ai trouvé Lockhart sur un mémorial de guerre de la Première Guerre mondiale. Les deux mis ensemble montraient tout ce que je voulais à propos de ce personnage. En fait, cette source, le Dictionary of Phrases and Fables, mentionne deux voleurs nommés Gilderoy, un au XVIe et l'autre au XVIIe siècle. Tous deux étaient très beaux, et tous deux ont fini pendus. Quant à Lockhart, c'est la juxtaposition de Lock, une serrure, et Heart, le cœur. Lockhart est donc un bourreau des cœurs, le genre à recevoir 46 cartes à la Saint-Valentin. Tout d'abord, je suis heureux d'accueillir le professeur Hergé Lupin, qui a eu la bonté d'accepter le poste de professeur de défense contre les forces du mal. Le nom de Rémus Lupin rappelle doublement les loups. D'une part, Rémus est un des deux fondateurs de Rome, avec son frère Romulus. Enfant, ils ont été abandonnés dans la forêt et ont survécu grâce à une louve qui est venue les nourrir. L'un des symboles de Rome est une louve avec deux jeunes garçons sous elle, qu'elle allait. D'autre part, Lupin vient du latin lupus, le loup. Ça donne l'adjectif lupin en français ou lupine en anglais, qui veut dire propre loup ressemblant à un loup. Comme quoi, le lecteur attentif à l'étymologie des noms pourrait se douter que Rémus Lupin est un loup-garou dès la première fois qu'il le rencontre. Alastor Moghre. Ex-Aurore. Ministère mécontent. Et nouveau professeur de défense contre les forces du mal. Je suis là parce que Dumbledore me l'a demandé. Fin de l'histoire, au revoir, rideau. Des questions. Même si tout le monde l'appelle Moghre Folleuil, le véritable nom du professeur de défense contre les forces du mal du tome 4 est Alastor Moghre, ou Alastor Moody en anglais. Alastor, la religion chrétienne, c'est le bourreau principal aux enfers. Ce nom vient de la mythologie grecque. C'est le démon représentant les disputes de famille qui poussait les gens à commettre des meurtres à l'intérieur de leur famille. Cela correspond donc plus à Barty Crumpton Jr. dégrisé en Moghre qu'au véritable Moghre Folleuil. Le nom de famille, lui, correspond mieux au vrai Moghre Folleuil. En anglais, Moody, c'est traditionnellement quelqu'un de courageux, d'arrogant, de téméraire, qui s'énerve facilement. Tous ces sens s'appliquent au personnage, mais c'est surtout le dernier, qui s'énerve facilement, qui est resté un anglais moderne. Et c'est donc celui-là que Jean-François Ménard a choisi pour sa traduction. Maugré, ça vient bien sûr du verbe maugréer, qui veut dire grommeler, activité à laquelle Moghre Folleuil excelle. Dolores Ombrage, grande inquisitrice, réglera le problème de la baisse de niveau à Poudlard. Dolores Ombrage n'est pas seulement grande inquisitrice, elle enseigne également la défense contre les forces du mal. Son prénom Dolores est un mot espagnol qui veut dire douleur au pluriel. Il est souvent employé en rapport avec la Vierge Marie, mais je doute fort que ce soit la connotation choisie par J.K. Rowling. C'est plutôt sa nature sadique qui justifie ce prénom. Son nom de famille anglais, Umbridge, est une variation sur Umbridge, qui peut se traduire soit par ressentiment, soit par ombrage, la traduction choisie par Jean-François Ménard. L'adjectif ambiguous sert à décrire une personne pleine de soupçons et de jalousie, qui s'offense facilement. On retrouve ce sens dans le mot français ombrage, comme dans prendre ombrage ou donner ombrage. Selon l'Académie française, c'est un sentiment de méfiance, de susceptibilité, de jalousie, etc., provoqué par la crainte d'être éclipsé, maltraité, etc. Chez Dolores Ombrage, ce sentiment se traduit par sa volonté de prendre le pouvoir et par sa propension à voir le mal partout. Dis-moi, Percy, qui est le professeur à côté du professeur Quirrell? Oh, c'est le professeur Rogue, le directeur de Serpentard. Et qu'est-ce qu'il enseigne? Les potions. Mais tout le monde sait qu'il préfère les forces du mal. Il veut le poste de Quirrell depuis des années. Après avoir longtemps enseigné les potions, Severus Rogue peut enfin être professeur de défense contre les forces du mal dans le tome 6. Son prénom Severus, c'est le mot latin qui veut dire grave, sérieux, austère. Ça donnait le mot sévère en français. C'est aussi le nom d'une dynastie d'empereurs romains qui furent au pouvoir au 1er et 2e siècle après Jésus-Christ, notamment Septimius Severus, qui était un empereur énergique, mais qui savait être très cruel. Le nom de famille anglais, Snape, vient selon J.K. Rowling d'un petit village du Suffolk. Le mot Snape rappelle le verbe to snap, qui veut dire parler d'un ton brusque. Dans les livres, on trouve de nombreuses occurrences de Snape snapped, dit Rogue d'un ton brusque. La traduction française, Rogue, met aussi en avant le caractère de ce personnage. Rogue est un adjectif qui veut dire dédaigneux, hautain, méprisant. Ce sont là tous les défauts que Rogue reproche à Harry, mais d'après son nom, il devrait plutôt chercher à se corriger lui-même. Comme on ne sait pas encore qui enseignera la défense contre les forces du mal dans le tome 7, c'est fini pour cette fois. Merci d'avoir écouté. Voilà, donc c'est la fin. On était tellement pressés de vous sortir ce 10e épisode qu'on a oublié de vous enregistrer la conclusion. Donc de la part de Hylis, Purple et Pruno, au revoir. On se retrouve au prochain épisode. D'ici là, vous pouvez retrouver la rythme sur le site ritm.gazette-du-sorcier.com. Sinon, vous pouvez laisser des messages sur le forum spécialisé de la rythme. Vous pouvez encore nous envoyer des mails sur l'adresse ritm@gazette-du-sorcier.com. Ou encore nous laisser des messages audio en passant par Skype et en contactant le pseudo gazette-du-sorcier. Voilà, au revoir et à bientôt.